Merci d'écouter la plus normande des radios, les amis, en plein cœur de Bernay comme de Montfort-sur-Il. Bienvenue tout le monde, merci d'écouter Espace. Il est 18h et c'est l'actu. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La France prendra des sanctions si la responsabilité de l'Arabie Saoudite est avérée dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et que les faits sont corroborés par les services de renseignement, a annoncé le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Auparavant, la présidence avait souligné ne vouloir prendre aucune décision hâtive quant à ses relations avec l'Arabie Saoudite et avait appelé Riyad à mener une enquête crédible et à établir tous les faits et toutes les responsabilités sur ces faits extrêmement graves. Le géant français Lactalis dément avoir vendu 8000 tonnes de lait en poudre potentiellement contaminé, comme l'en soupçonne le canard enchaîné qui s'appuie sur des documents fournis par la préfecture de Mayenne. L'industriel assure que le phénomène de contamination de lait infantile à la salmonellose en 2017 a toujours été limité à la tour 1 de l'usine qui a été depuis définitivement fermée. L'industriel condamne fermement des accusations sans fondement. Le porte-parole du gouvernement a de son côté assuré que l'entreprise Lactalis serait sévèrement sanctionnée si elle a fraudé. Le rappeur Kaaris condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende après sa bagarre à Orly avec son rival Booba a fait appel du jugement du tribunal. Kaaris, qui n'est pas satisfait de la peine prononcée le 9 octobre par le tribunal correctionnel de Créteil, sera donc rejugé devant la cour d'appel de Paris. Booba, condamné à la même peine, n'a de son côté pas fait appel. Les images de la bagarre générale début août entre les deux hommes et neuf de leurs proches en plein hall d'aéroport d'Orly avaient fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Deux paquets destinés à Hillary Clinton et Barack Obama ont été interceptés par le service fédéral américain chargé de leur protection. Les deux paquets ne sont pas parvenus à leur destinataire. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a condamné les actes ignobles visant ces deux personnalités politiques. Un autre paquet suspect adressé à la Maison-Blanche a aussi été découvert selon plusieurs journalistes de CNN. Les bureaux de CNN et de Time Warner à New York ont par ailleurs été évacués. Enfin, carnet rose à la ménagerie du Jardin des Plantes. Une petite femelle orang-outan de Bornéo, baptisée Java, est née le 17 octobre dernier. Il s'agit de la seule naissance de cette espèce en France en 2018 et la première naissance d'un orang-outan à la ménagerie depuis 13 ans. Les orang-outans vivants à Bornéo font partie de la liste rouge des espèces menacées établie par l'Union nationale pour la conservation de la nature. Sur la plus normande des radios, Matt. Bon début de soirée, tout le monde, et bonnes vacances à vous. Voici les Clean Bandits et Demi Lovato. Tout de suite, c'est Solo. L'après-midi sur Espace, c'est Max. So long.

international. So international. International. So international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G's for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. Down everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb. And in Greece, you guessed it, the women ain't sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like Miami's heat. You got it down. Looking for visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. Here in Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. Reviennent sur Espace dans un instant. Bonjour, le FLEP de Vondrimard organise pour la première année sa fête de la pomme et du terroir. Rendez-vous le 28 octobre de 10h à 18h au centre socio-culturel. Vous y trouverez un groupe folklorique normand, un marché fermier, un concours de tarte aux pommes ouvert à tous, remise des tartes à partir de 10h, exposition de matériel de brassage et surtout un repas normand le dimanche midi. Au menu, feuilletée d'andouillettes, sauce camembert, filet mignon au cidre, purée, salade fromage, tergoule pour 13€. Sur réservation au 06 27 34 39 58. À bientôt. Bonjour, l'amicale du personnel de la ville du Val d'Azay, quartier d'Aubevoie, organise son salon toute collection les samedis 27 et dimanche 28 octobre de 9h à 18h à l'espace culturel Marcel Pagnol d'Aubevoie, le Val d'Azay. Donc l'entrée est gratuite pour les visiteurs. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Bruno au 02 32 53 22 21. Au revoir.

Info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. L'eau est de nouveau potable à Yvetot, Saint-Clair-sur-les-Monts, Sainte-Marie-des-Champs, Aus-Bosc et Vallicarville. Des particules d'argile et de limon d'origine naturelle avaient déclenché vendredi dernier une interdiction de consommer l'eau du robinet. 10 jeunes Irakiens ont été retrouvés hier matin dans le semi-remorque d'un routier allemand. C'est le chauffeur lui-même en provenance de Dunkerque qui, en entendant des bruits suspects dans sa remorque, s'est arrêté sur un parking au bord de la route départementale 6015 près de Louviers et qui a prévenu les forces de l'ordre. Les migrants ont été prise en charge par la police aux frontières. Et puis une cinquantaine de migrants issus du camp de réfugiés des Grandes Synthes dans le Nord ont été transportés hier matin à Beauvais au centre de formation AFPA. Ils devraient y être hébergés d'une dizaine de jours à trois semaines, le temps de remplir des formalités administratives. Visé par une expulsion locative, un homme de 58 ans s'est aspergé d'essence devant chez lui à Saint-Ouen de Touberville ce matin. Le roi a menacé de mettre le feu à l'arrivée des huissiers et de la police. Après deux heures de négociations avec un professionnel, l'homme a finalement été hospitalisé à Évreux. La nuit dernière, quatre centres de contrôle technique ont été cambriolés à Yvetot, Neuchâtel-en-Bray, Tôte et Hierville. Les voleurs sont repartis avec des rapports de contrôle technique vierges. Ils pourraient être transformés en faux documents. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Après Van Crock, l'an passé, quatre communes de l'ex-canton de Beuzeville aspirent à quitter l'intercommunalité Honfleur-Beuzeville pour rejoindre celle du Lieuvin Pays d'Auge en janvier prochain, Solène Duloup. Formoville, la Lande Saint-Léger, Martinville et Le Torp, qui forment déjà un regroupement scolaire, sont tombés d'accord. Pour Francis Delabrière, maire du Torp, c'est la fusion de l'intercommunalité de Beuzeville avec celle d'Honfleur qui a entraîné cette décision. Moi, j'ai toujours été contre, hein. J'ai jamais voulu y aller. Alors, le préfet nous a mis d'office, alors j'ai jamais pu comprendre qu'on aille avec le Calvados. Hein. Bon, puis ça nous pose des problèmes au niveau des préfets et puis tout ça, parce que le préfet de l'Eure, Calvados, il faut qu'ils se mettent d'accord. Il y a des moments où ils ne sont pas d'accord. Alors, Oui, ça pose des problèmes. Pour le maire du Torp, la politique de l'intercommunalité Beuzeville-Honfleur ne prend en compte ni les préoccupations de ses 420 administrés, ni les enjeux de sa commune rurale. Il espère donc plus du Lieuvin Pays d'Auge. Honfleur, c'est touristique, hein. C'est pas du tout vraiment notre truc. Hein. On fait tout pour le tourisme, mais le restant, on fait pas grand-chose. Hein. Le Lieuvin, c'est beaucoup de petites communes, hein, de 200 habitants, 150 habitants, hein, à part quelques-unes qui sont moins plus importantes, Petit Berville, Cormeil, Saint-Georges, mais sinon, c'est que des petites communes. Ils ont les mêmes préoccupations, hein, que bon, la ville d'Honfleur, c'est pas du tout le cas. Hein. Les quatre maires attendent désormais la décision des préfets de l'Eure et du Calvados pour rejoindre Lieuvin Pays d'Auge, qui passerait ainsi le cap des 20 000 habitants. Françoise Guégot, la députée LR de Seine-Maritime, a annoncé qu'elle restera à son poste de secrétaire départementale à la demande de Laurent Wauquiez, le président des Républicains, et ce malgré sa défaite le 14 octobre dernier aux élections à la présidence de la Fédération LR de Seine-Maritime. Une position que dénonce la nouvelle présidente du parti dans le département, Agnès Canayer, qui devra donc diriger la fédération avec Françoise Guégot. Deux lignes politiques vont cohabiter. Agnès Canayer, plus proche de Valérie Pécresse, représente une droite plus sociale. Et puis la carte au trésor est en Normandie ce soir à 21h. L'émission de France 3 emmène les candidats du Pays d'Auge au Mont-Saint-Michel en passant par le Bessin. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après des bandes brouillard en matinée, le soleil réapparaîtra dans l'après-midi. Le thermomètre, en revanche, va chuter à 13 degrés à Saint-Jean, 14 degrés sur la vallée Rille-Charentonne, 14 degrés également sur le Pays de Bray, 15 degrés sur Rouen, Beauvais, Louviers, Évreux et le Vexin normand. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. 18h34, voici Willy William. La. You better call the officer. Me not afraid to party. Cause you know me have a full of stamina. Me comfy, boss it up, boss it up. Just tell them me comfy, boss it up, boss it up. When you style me, I back it up, back it up. Hey, go! All I wanna sing is la la la la. But me not deal with blah blah blah blah. Me sing every style, etc. My lass say you can throw a macarena. If you leg up on this phenomena. Me not easy, cause you know me stamina. Mama see, mama saw, mama cosa. I say la la la la la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la.

Les meilleurs tubes reviennent dans un instant. Sur Espace. Les trains de la Citrouille, dimanche 28 et mercredi 31 octobre. Au départ de la gare de Passy-sur-Eure, attendez-vous à passer un voyage des plus mouvementés en vallée de l'horreur avec la troupe d'Étincelles Bouillasse. Un goûter vous attendra à votre retour. Départ à 14h50. Tarif adulte 14 euros, enfant jusqu'à 15 ans 11 euros. Gratuit pour les moins de 4 ans. Réservation au 02 32 36 04 63. Par mail contact@cfve.org ou sur www.cfve.org. La plus normande des radios, Espace Radio. All I need is one moment is enough. If you got it all, just turn your fears into trust, to trust. Words of love. Meilleurs tubes reviennent dans un instant. Sur Espace. Bonsoir tout le monde, ça y est, c'est mercredi le 24 octobre et c'est reparti pour une nouvelle sélection Espace des vacances avec ce soir à Rouen, dès 20h sur la scène du 106 Edith de Préto en concert. C'est complet, donc pour ceux qui ont leur place, profitez-en un maximum. On se dirige maintenant déjà vers les événements du week-end avec ce samedi 27 octobre du côté de l'Espace de Forge à Forge-les-Eaux, le concert hommage à Johnny Hallyday organisé par le gang Le Perron avec les musiciens de Jean-Jacques Goldman. Info et réservation 02 32 89 80 80. Ce dimanche 28 octobre, rendez-vous à Conches-en-Ouche pour la fête de la pomme, du cidre et du fromage. Ça se passe à l'Arboretum. Plus d'infos également sur le www.conches-en-ouche.fr. Et puis à Louviers, dimanche également, la 16e fête des petits monstres dans le quartier Saint-Île-de-Vers. C'est de 14h à 18h et on vous y attend nombreux avec notamment des jeux sportifs et un goûter offert par les habitants. Je vous rappelle également que vendredi soir, en direct, entre 19h et 21h, je vous retrouve avec Louis et Mickaël pour l'Open Show 2 spécial Halloween. Passez une très belle soirée sur Espace. Espace Radio. Le jour se lève, ça c'est le soleil. Rayon dans l'œil, ça c'est le soleil. Le gel est mort, ça c'est le soleil. Le désert avance, ça c'est le Sahel. Sur les plages à Rio, des gojos au ballon. Tandis qu'à Sao Paulo, ils font des 11 contre 11. Plus de bonzes, transat avec des gonzes. Et le comité olympique donne les médailles de bronze. Je veux le bail, amphithéotique. Et l'entité juridique de type géopoétique. Hier encore, c'était Paula en polar. Là, c'est short, polo, maillot et la crème solaire. C'est le grill, G-R-I-L-L. Love, ladies love L-L. J'bulle, je B-U-L-L. Chill, C-H-I-L-L. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la fille est belle. Quand elle danse sous le soleil. Sur la plage en bas de la vallée, défait les cavales et les filles au volet se font des 5 contre 5. S-match, pendant ce temps je pointe, Faubourg Saint-Honoré numéro 55. C'est le chic, anacréontique, de la street antique à l'art géopoétique. Au Québec, c'est la gousse ou la polar. Été tout comme hiver, faut la crème solaire. Journée de rêve, ça c'est le soleil. Rayon dans l'œil, ça c'est le soleil. Le gel est mort, ça c'est le soleil. Le désert avance, ça c'est le Sahel. Sous le soleil. Splash, je vois des fiches et puis des bubbles. On m'a dit de fermer ma gueule. Le ton monte, les requins sont marteaux. Je quitte H2O pour la Calypso et c'est le grill. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la ville est belle. Regarde comme la fille est belle. Quand elle danse sous le soleil. Le son de MC Solar et Aywa à l'instant sur la pluie normande des radios. J'espère que vous allez bien les amis. On va marquer une courte pause, c'est le programme télé de ce mercredi. Mais nous on vous donne rendez-vous le samedi 10 et dimanche 11 novembre de 14h à 18h au musée de la nature d'Allouville-Belfosse pour la fête de l'oiseau. Plus d'informations 02 35 96 06 54. Bougez plus, le programme télé juste après Dua Lipa. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mercredi 24 octobre. Ce soir sur TF1, ça va nous changer, hein. Mais non, je déconne. Esprit criminel et Blacklist, que des séries américaines. Bon, notons tout de même l'effort, hein. Il n'y a que des inédits. France 2 de la série française qui cartonne chaque semaine, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup Nina, hein, cette jeune femme qui bosse dans un hôpital, qui est dirigée par son ex-mari, avec également la nouvelle femme de son ex-mari. Et du coup, ça crée des situations un peu tendues, comme un string taille 38 que Maïté voudrait enfiler. Ne visualisez pas ce que je viens de dire parce que sinon vous n'allez pas être bien. France 3, la carte au trésor présentée par ce jeune homme qui est d'après Michel Drucker son fils spirituel, son digne héritier. Ce soir, nous sommes en Normandie, une très belle région française. Canal, la Gaule d'Antoine en première partie de soirée et 21 cm en seconde. Calmez-vous les filles, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. La Gaule d'Antoine, c'est la Gaule, la France, hein, d'Antoine de Caunes. Il nous fait découvrir des régions et ce soir il est en région PACA. Et 21 cm, c'est une émission littéraire où l'on parle de bouquins. Eh, vous êtes coquinette quand même, hein. Arte, 45 ans, un drame anglais avec Charlotte Rampling, l'histoire d'un couple, ils sont heureux, tout va bien, ils préparent même leur 45e anniversaire de mariage. Un matin, le mari reçoit une lettre l'informant que le corps de son premier amour a été retrouvé alors qu'elle avait disparu dans l'excursion d'un glacier. Sa femme comprend vite que son mari ne l'a jamais oublié. M6, le meilleur

Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le mercredi 24 octobre, il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La France a annoncé vouloir rapatrier une partie des quelques 150 enfants de djihadistes français signalés en Syrie dans les zones contrôlées par les Kurdes. Au total, 44 fratries ont été signalées en Syrie. Ces enfants retenus dans le nord du pays avec leur mère dans des camps gérés par les militaires kurdes depuis l'effondrement du groupe État islamique en 2017 ont été signalés sur place ou par les familles en France. Seule une partie d'entre eux a toutefois été identifiée et localisée avec précision dans les zones kurdes sans que l'on puisse chiffrer le nombre possible de retours. La France prendra des sanctions si la responsabilité de l'Arabie Saoudite est avérée dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et que les faits sont corroborés par les services de renseignement, a annoncé le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a de son côté qualifié de crime haineux le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Istanbul, affirmant que Riyad coopérerait avec Ankara et que la justice prévaudra. Le groupe Total vient d'obtenir l'arrêté préfectoral lui permettant de débuter ses explorations dans les eaux territoriales de la Guyane. S'est félicité hier dans un communiqué la collectivité territoriale de Guyane. Selon sa demande, Total vise dans un premier temps le forage d'un puits d'exploration dans la partie centrale de son permis à partir de fin 2018, début 2019 et sur une période de 4 mois. Au cours de l'enquête conduite entre les 16 juillet et 23 août dernier sur 7183 avis, 7173 s'étaient pourtant montrés défavorables à ces forages en mer contre 8 avis non définis et 2 favorables. Des paquets destinés à Hillary Clinton, Barack Obama et une élue démocrate de Floride, Debbie Wasserman Schultz ont été interceptés par le service fédéral américain chargé de leur protection, a indiqué le renseignement américain. Dans la matinée, un autre colis suspect a été trouvé dans la boîte aux lettres de la chaîne CNN à New York. Aucun des colis n'est parvenu à ses destinataires, dont la vie n'a pas été mise en danger. Enfin, la présentation officielle du tracé n'aura lieu que demain à 11h, mais la tonalité de ce Tour de France 2019 est déjà connue grâce aux indications culinaires distillées par l'organisation sur les réseaux sociaux. Après le départ en Belgique, le Tour devrait rallier l'Est de la France, puis se dirigé vers les Pyrénées la deuxième semaine, les Alpes la troisième. La région savoyarde serait à l'honneur sur les derniers jours. Sur la plus normande des radios, Dorian. Certains ne sont pas en vacances et travaillent, alors c'est le moment de se détendre dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. C'est déjà l'avant-dernière afterwork de la semaine et ça commence avec The Prince Karma, Later Bitches, belle soirée. Bitches.

Hier, la région Normandie et les départements de Seine-Maritime et de l'Eure ont signé la commande pour un nouveau bac qui traversera la Seine entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme-sur-Seine à l'horizon 2020. La facture s'élève à 2,4 millions d'euros pour chaque département et 1,2 million pour la région. Tout neuf, le bac devrait ainsi baisser les coûts particulièrement élevés de maintenance et de réparation. Le bac moins énergivore également pourra contenir 27 véhicules légers pour 145 passagers. Et puis à présent, on parle musique et piano avec le reportage d'Alexandre Léno. Une collection de 28 pianos français, c'est le trésor que possède Alexandre Théodoulides dans sa grange située à Cateux près de Crèvecœur-le-Grand. Ce musicien de formation qui parcourt l'Hexagone depuis 10 ans pour sauver de l'oubli les pianos français du 19e siècle ambitionne désormais de créer le premier musée du piano historique des Hauts-de-France. Le plus ancien date de 1821, le plus récent de 1904, donc c'est vraiment le plein 19e siècle, l'âge d'or, on peut dire, en fait, de la facture du piano, des pianos droits, des pianos carrés, des pianos à queue, des grands facteurs français, naturellement, Erard, Pleyel, Gavot. Chaque instrument est unique, ils utilisent des essences de bois précieuses, de l'acajou, du palissandre, tous vernis au tampon, avec des incrustations de bois précieux ou de laiton. Le musicien a lancé une campagne de financement participatif, une enveloppe de 6 500 euros lui permettrait d'installer électricité, isolation, plancher et porte dans sa grange pour notamment protéger de l'humidité ce patrimoine. L'objectif est de rendre ses pianos à la scène et au public. Ces instruments-là constituent un terrain d'expérimentation extrêmement précieux pour tous les pianistes. Et donc l'objectif ici, c'est bien sûr de proposer ces instruments à tous ceux qui le souhaitent, à l'étude, à l'expérimentation, au jeu, à la comparaison. Le musée devrait ouvrir l'été prochain. En attendant, Alexandre Théodoulides organise les 24 et 25 novembre prochains les journées Erard au château de Crèvecœur-le-Grand avec concerts, conférences et expositions autour de sa collection. Un reportage d'Alexandre Léno et puis à présent un point sur les prévisions météo. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après des bandes brouillard en matinée, le soleil réapparaîtra dans l'après-midi. Le thermomètre, en revanche, va chuter à 13 degrés à Songeon, 14 degrés sur la vallée Rille-Charentonne, 14 degrés également sur le Pays de Bray, 15 degrés sur Rouen, Beauvais, Louviers, Évreux et le Vexin normand. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Merci beaucoup Eric. Prochain point d'actu à 20h30. Et on l'a vu, les températures se rafraîchissent petit à petit dans la région. Alors on prend le plaid et on écoute tranquillement pour cette nouvelle demi-heure Cédric Gervais, Do It Tonight.